Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, Italie et mafia. C'est quoi tous ces agents qui nous gardent à vue? Vous voulez nous énerver ou quoi? Anthropologie, économie et histoire. Et déjà dans les sociétés secrètes carbonari, toute personne qui collabore avec la justice est condamnée à mort. C'est pour venger la mort des 7 membres de sa famille abattus que Buccetta a décidé de se mettre à table. Là où on a le moins de repentis, c'est la mafia calabraise, parce que là, on est sur une dimension familiale très très forte. D'accord, je suis prêt à vous parler du pouvoir politique. En commençant par Giulio Andreotti. On croit que la mafia est le fruit de la pauvreté, mais pas du tout. Elle est née, au contraire, dans les zones riches. Si vous me demandez, est-ce que vous saviez si certains étaient en contact avec la mafia, je refuse de répondre à une calomnie contre moi. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, je suis Clotilde Champerrache, économiste de formation et maître de conférence à l'Université Paris 8, Saint-Denis. Quelle est votre spécialité? L'économie, en particulier l'économie du crime et tout ce qui est infiltration de la mafia dans l'économie légale. Vous êtes d'accord que bon nombre de vos collègues dans le domaine de l'économie ne s'intéressent pas forcément à cela? Tout à fait. Vous arrivez à ça comment? Alors, il y a un vrai problème, oui, du silence des économistes sur la criminalité. C'est vrai aussi que ce qui a pu se faire en économie du crime, c'est beaucoup plus applicable à la micro-criminalité, on va dire. C'est-à-dire l'individu, ses choix personnels entre respecter le légal ou au contraire entrer la sphère légale. Alors que tout ce qui est dimension associative, les économistes, en tout cas des courants dominants, ont beaucoup de mal à le comprendre, et notamment la dimension institutionnelle que peut revêtir une criminalité organisée de type mafieuse. Puisque vous y travaillez depuis un certain temps, vous avez eu le temps aussi peut-être de réfléchir à cette distance que vos collègues prennent par rapport à ça. Comment l'analysez-vous, vous ? Encore une fois, il y a une mauvaise perception de ce que peuvent être les criminalités, non pas la criminalité, comme si c'était un bloc homogène. Il y a aussi un travail qui est particulier à faire, qui n'est pas à la mode actuellement en économie. C'est-à-dire que actuellement, ce qui domine, c'est les modèles économiques, la rationalité appliquée aux personnes. Or, la rationalité du mafieux, on la connaît pas très bien, ou même d'ailleurs il y a des activités économiques qui ne sont pas rationnelles. Par exemple, prélever, racketter les entrepreneurs et les commerçants, on voit très bien que pour la mafia, ça ne rapporte peu, alors que ça coûte très cher en termes logistiques. Et puis aussi, il y a tout un travail à faire sur les données. On a peu de chiffres, puisque par définition, c'est un phénomène criminel masqué. Et puis, il faut beaucoup travailler aussi sur, par exemple, les procès. Donc, s'intéresser aussi à ce que d'autres disciplines ont à dire sur le sujet. Si vous deviez faire une comparaison entre de bonne gestion économique entre un État et ce type d'organisation criminelle, vous situeriez une de ces organisations à quel niveau par rapport à un État? Peut-être la question est-elle trop floue si l'on prend un État très précis comme celui dont on va évidemment parler, à savoir l'Italie. L'Italie, en termes de gestion économique, elle a ses qualités. On le sait, la petite et moyenne entreprise, notamment, extrêmement performante. Elle a énormément également de soucis et de lourdeur, pour ne pas dire d'inertie. Un État qui est particulièrement intervenant dans plein de niveaux. Et d'un autre côté, ces organisations criminelles qui, quand on vous lit, vous et vos collègues, ceux qui travaillent sur la question mafieuse, mais vous particulièrement, Claudine Champerrache qui travaillait sur l'économie, on voit quand même, ce que nous avait d'ailleurs confié en 2007 Roberto Saviano, un savoir-faire dans le domaine du turbo-capitalisme. C'est son expression. Vous diriez que c'est une économie faite d'intelligence? C'est une économie qui réussit à faire système, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence interne, il y a une logique, il y a tout un fonctionnement qui intègre le légal, l'illégal, qui crée une zone grise, qui va mettre en difficulté toute la partie strictement légale de l'économie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a une légitimité effectivement qui va se construire, qui fait que même les non-mafieux, s'ils veulent continuer à faire partie de l'économie locale, vont devoir adopter des règles, des comportements qui n'étaient au départ pas les leurs. Et ça aussi, c'est typiquement mafieux, c'est une criminalité de riches, oui, pas du tout la criminalité de marginalité, où on exclut de la société et on enfreint la loi parce qu'on essaie de se créer des opportunités ailleurs. Non, c'est une criminalité de riches et c'est une criminalité d'expropriation, c'est-à-dire qu'on prend la place des autres, on parle parasites qui existent. Par exemple, souvent, on a dit que la mafia, c'était un anti-État, justement, pour comparer l'économie, enfin, l'État et la mafia. Au sens du miroir. Ben, en fait, c'est pas un anti-État, c'est la mafia, par définition, a besoin qu'il y ait un État. Et elle a besoin de décrédibiliser cet État pour proposer des services alternatifs, mais souvent des services qu'elle ne propose pas d'elle-même, qu'elle détourne. Par exemple, pour accéder aux places en crèche, en maison de retraite, c'est intermédié par la mafia, alors que ce n'est pas la mafia qui produit ces offres sociales. Autrement dit, un gouvernement libertarien viendrait au pouvoir en Italie et supprimerait toute forme d'État. Verriez-vous, à terme, la mafia pouvoir s'effondrer ou s'amoindrir ? La mafia a beaucoup de sources de revenus et beaucoup de sources de légitimité. C'est-à-dire que si on regarde sur la longue durée, puisque c'est une criminalité qui dure depuis des décennies, elle a toujours su s'adapter. Donc elle va créer des opportunités, je pense, quel que soit le type de l'État qui va se créer. D'ailleurs, si on regarde la mafia au sens plus général du terme, c'est-à-dire en dehors même de l'Italie, on a quand même des mafias dans des pays extrêmement différents, comme la Chine, comme le Japon, ou comme en partie en Russie. Mais a-t-on raison, de ce point de vue-là, d'utiliser systématiquement le même mot ? Ou bien celui-ci sert-il un peu de valise ou d'auberge espagnole, on y entre et on Alors, y met à peu près ce qu'on veut. Moi, je suis très stricte sur l'utilisation du terme. C'est-à-dire que pour moi, un cartel colombien de la drogue, c'est pas de la mafia, justement, parce qu'on ne retrouve pas certaines caractéristiques. Par contre, les triades, les yakuza, donc triade en Chine, yakuza au Japon, et une partie de la criminalité organisée russe ont vraiment des structures très ressemblantes à ce qu'on a pu observer en Italie. Peut-être un peu mieux, on va passer par le code pénal italien, et oui. C'est grâce à vous, Claudine Champerrage, qu'on peut y aller. On entame avec un zoom sur le point numéro 3 de l'article 416 bis, qui dit ceci, l'association de type mafieux est quand ceux qui en font partie se servent de la force d'intimidation, du lien associatif et de la condition d'assujettissement et d'omerta qui en dérive pour commettre des délits, pour acquérir de façon directe ou indirecte la gestion ou du moins le contrôle sur des activités économiques, des concessions, des autorisations, adjudications et services publics, ou pour réaliser des profits ou des avantages injustes pour soi ou pour autrui, ou encore dans le but d'empêcher ou de gêner le libre exercice du vote ou de procurer des voix à soi ou à d'autres à l'occasion de consultations électorales. La dimension économique apparaît donc clairement, vous le dites. Par contre, il n'est fait aucune référence à la notion de territoire. Et c'est pourtant, dites-vous Clotilde Champerrache, une notion essentielle à l'existence de la mafia. Vous avez le tapis rouge, vous n'avez plus qu'à vous déployer. En quoi la territorialité est à ce point essentielle ? Alors le territoire, c'est récurrent hein. Dans la criminalité, souvent même les bandes sont insérées dans un territoire. La criminalité dans les prisons, c'est aussi par référence à un territoire. Donc le berceau est très localisé, encore plus quand c'est des mafias, parce qu'on voit, il y a les Corléonais contre les Palermitains, donc c'est revendiqué. Et c'est aussi une criminalité qui s'appuie sur, encore une fois, l'insertion dans la société civile. C'est pas de la marginalité, on est dans les villes, on contrôle les personnes, on les connaît. Et ça permet aussi justement de contrôler les votes parce que c'est vraiment, on va voir les gens, on leur dit pour qui voter en échange de choses. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'une mafia va racketter les gens. Et ça aussi, le racket, ça s'inscrit dans un territoire. Alors c'est un facteur de pouvoir, hein, c'est comme une souveraineté qui est établie. C'est quelque chose qui coûte cher à une mafia à entretenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, le racket coûte plus qu'il ne rapporte, mais on ne renoncera jamais à ces opérations-là. Symboliquement ? Symboliquement, tout à fait. Le juge Borsellino le disait, la drogue rapporte énormément d'argent, mais si la mafia un jour doit renoncer à une activité, elle renoncera à la drogue plutôt qu'à racket. Parce que c'est symbolique. Et ce symbolisme, ça peut être aussi d'ailleurs pour... parce que souvent on parle de mafia dans un sens assez pyramidal, comme si c'était très centralisé. En fait, ce qui compte vraiment, c'est les familles sur leur territoire. Et une famille, ça peut être à partir de deux personnes et ça peut être le contrôle d'une rue. Donc c'est vraiment marqué, emprunté sur cette logique de territoire. Et ça se retrouve au niveau du BTP d'ailleurs. Quand on construit, c'est ce qu'on a vu par exemple pour quand on a construit le tronçon d'autoroute entre Naples et Reggio de Calabre, En sous-traitance, on a donné des tronçons à construire à, suivant les familles qui contrôlaient le territoire précis. C'est-à-dire que de tel kilomètre à tel kilomètre, c'était telle famille. Tel autre kilomètre, c'était telle autre famille. Tout à fait. Et est-ce que, du coup, la mécanique était parfaitement huilée ou il y a des trous dans l'autoroute? Parce que vous le savez très bien, quand il s'agit de faire des jonctions, des fois, il y a l'interstice. Tout à fait. On n'a pas une homogénéité de la construction. Alors, pour cette autoroute-là, elle est à peu près, le tracé est respecté. Mais c'est vrai que, en Calabre, en Sicile, on a parfois des autoroutes où les jonctions sont mal faites. Donc, on a les tronçons qui sont pas exactement en face l'un de l'autre. Ça arrive. Ça veut dire que il n'y a pas eu un moment concertation entre les familles, qu'il y aurait pu y avoir concertation, ou que les rivalités sont telles qu'il n'était pas question qu'il y ait concertation? Non, en général, c'est assez concerté parce que c'est de la sous-traitance, parce qu'il y a tout un mécanisme de file d'attente pour que tout le monde puisse travailler à tour de rôle. Mais ce qui peut se faire aussi, c'est que comme c'est de l'argent public, eh ben, c'est pas grave, on reconstruira. Et puis comme ça, ça alourdit les devis et c'est encore plus d'argent public qui va être privatisé par les mafias. Et puis ça veut dire au niveau de la population locale, ben, redistribution de revenus. On emploie beaucoup de monde dans le BTP. Donc on distribue des revenus, les gens sont contents d'avoir un travail dans des régions économiquement un peu sinistrées. Donc tout ça participe d'un système où l'argent circule et est intermédié par la mafia. Je reviens à la question des villes. Il m'a semblé quand même que historiquement, les premières mafias, les proto-mafias, elles s'agrégeaient dans les villages. Pas forcément immédiatement dans les villes. Oui. Alors j'ai parlé de villes parce que je pensais plus à la situation actuelle. C'est vrai qu'en Sicile, ça part des campagnes, tout simplement parce qu'il y avait une production agricole, une richesse agricole immense. Hein, la conque d'or en Sicile, c'est le berceau des mafias originelles. Ceci étant, en fait, la mafia, elle va naître là où il y a de l'argent, là où il y a de la richesse. Et par exemple, une mafia urbaine dès le début, c'est la mafia napolitaine. Parce qu'il y a le port de Naples, parce qu'il y a tous les trafics qui vont avec. Et là, c'est une mafia qui est née en ville. Qu'est-ce qui vous fait mettre sur le même plan des yakuza et une mafia, qu'elle fût calabraise ou napolitaine? Alors, il y a le côté, un peu ce que je disais tout à l'heure, criminalité de riches, criminalité insérée dans la société civile. C'est vrai que ce sont des criminalités qui sont présents à la fois dans le légal et dans l'illégal, qui contrôlent la sphère politique assez largement, notamment par ces procédés d'échange, vous votez pour tel candidat et en échange vous aurez des avantages. Ce sont aussi des criminalités qui ne sont pas liées à une personne en particulier, il n'y a pas un chef charismatique et puis après la bande s'écroule. Non, ça perdure dans le temps, sur des décennies, voire plus. Donc il y a une dimension organisation qui prime sur les individus eux-mêmes, une pérennité de l'organisation qui dure, une structure familiale aussi, et puis la construction de mythes, c'est-à-dire que ce sont des criminalités, l'expression de l'honorable société, c'est-à-dire il y a une construction d'honorabilité, un crime qui serait un peu élitiste et qui serait justifié parfois même historiquement. Levatevi cappello, o genti stu paesi, che passo picciotteggio i sangue calabrisi. Persona del rispetto, d'onore e d'omertà, levatevi cappello che appartiene alla società. Même si, quand on puise dans les racines, on voit effectivement ce facteur constant de la famille, il apparaissait, au dire plutôt des dernières écritures, et de mémoire, Roberto Saviano nous l'avait confié, que désormais, il y avait aussi d'autres approches, et qui étaient notamment liées au mariage. On ne se mariait plus forcément dans les mêmes catégories, mais on allait voir ailleurs, ne serait-ce que avant tout pour étendre le territoire. Alors, la famille est importante, c'est-à-dire dans le sens où il y a des familles de mafieux. Après, il ne faut pas prendre la famille au sens hollywoodien du terme, c'est-à-dire le fils aîné qui va prendre la succession, ça c'est faux, et ça fait longtemps que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de compétence derrière. On veut un chef mafieux qui sache tenir ses troupes, donc c'est pas forcément le fils qui va prendre la succession. On va choisir un héritier qui n'est pas forcément en droite ligne. Et il y a depuis très longtemps des stratégies d'alliance aussi, effectivement, pour renforcer soit sur le territoire local des liens, soit même pour étendre une zone d'influence. Ça a pu aussi être fortement influencé par la drogue. Parce que pour la drogue, on raisonne à plus forte échelle que la Sicile ou une partie de la Sicile. Mais ça veut dire que l'on va se marier même en dehors de son territoire, donc. Alors, encore une fois, la notion de territoire pour une famille, c'est très très réduit. Donc on peut épouser quelqu'un du territoire voisin. Ça ne veut pas dire qu'on va épouser une Colombienne. On ne sort pas des frontières du pays. On évite. Encore une fois, parce que c'est ça qui explique aussi la pérennité. Hein. On a peu de repentis. Et là où on a le moins de repentis, c'est la mafia. Il y a toujours un risque dans la consanguinité tout de même. Oui, Mais c'est pour ça aussi que on s'allie avec d'autres familles. Mais là où on a le moins de repentis, c'est la mafia calabraise, parce que là, on est sur une dimension familiale très très forte. Et les repentis parlent peu, parce que les représailles sont immédiates, et puis parce qu'on a plus de mal à trahir un frère, un père, que de trahir quelqu'un qui est juste le voisin. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette singularité pour la mafia calabraise? Alors, ben, Ndrangheta. L'Ndrangheta, peut-être parce que dans les statuts, c'est une mafia où, alors évidemment, les statuts, on en parle, on les a pas lus, hein, mais il y a des légendes qui circulent, comme quoi c'est la mafia où on est mafieux de naissance, et non pas par un rite d'initiation comme pour la Naples ou la Sicile. Si l'on est là, ça y est, c'est voilà, cuit, c'est signé. Le fils de mafieux sera mafieux d'office, il n'a pas de choix et on va pas non plus vérifier ses compétences avant de le faire rentrer dans la mafia. Ça serait aussi la seule mafia où il y a des grades pour les femmes. Ah bah j'allais y venir justement, parce que vous me mettiez sur la piste, j'avais l'impression d'un monde essentiellement masculin, mais non, vous dites alors, l'image... il peut y avoir de la parité un peu. Oui et non. Pas jusque là. Alors ce qui se passe, c'est que ça reste quand même des sociétés méditerranéennes, donc la place de l'homme est plus importante, et puis la femme, ça doit être la bonne épouse, et en théorie elle ne sait rien, mais elle donne des héritiers et... La maman est, comme dit Jean Eustache. Voilà. Ce dont on s'est aperçu, c'est que les femmes savaient beaucoup de choses, parce que bah, les hommes parlent aussi. Donc, notamment, il y avait une jeune fille de 17 ans, Rita Atria, qui était allée voir les carabiniers parce que son père et son frère avaient été assassinés par la mafia. Et tout ce qu'elle a dit, c'était incroyable. Elle avait un niveau de connaissance des affaires mafieuses de sa famille qui était très, très important. Donc, les femmes savent des choses. Ce qu'on observe aussi, bah, c'est que les femmes peuvent prendre le relais quand les maris sont en prison, ou les frères ou les pères. Donc là aussi, elle gère plus de choses qu'on peut imaginer. Et c'est surtout dans le cas napolitain, ce qu'on a vu, c'est des femmes de clan qui se comportaient largement comme des hommes et qui prenaient effectivement les affaires en main. Alors ça a pu aussi être une stratégie, parce que les forces de l'ordre, avec cette idée de c'est une affaire d'hommes, se focalisaient surtout sur les affaires des hommes et oubliaient de regarder les épouses, les sœurs et les mères. Et que là, ça a été une faille, mais qui maintenant est largement comblée par les forces de l'ordre. Notamment, quand il y a confiscation de patrimoine à un mafieux, on confisque aussi ce qui appartient aux personnes proches durant les 5 années précédentes. Si affacciava di tutto, cocaina, cobret, marijuana, e gli acquirenti provenivano da tutta Italia e si è scoperto che la Camorra incassava quasi 1 milione al mese solo con il narcotraffico. A metà degli anni Ottanta nasce il mito di Scampia come supermarket della droga. Dalle 10 alle 20 piazze di spaccio, che lavorano tutti i giorni, 24 ore su 24. 15 milioni di euro di fatturato al mese. Clotilde Champérage, vous nous disiez que les économistes, parmi vos collègues, ne s'intéressent pas suffisamment, selon vous, à l'économie criminelle, ce type d'économie, celle sur laquelle vous travaillez, l'économie de la mafia. On ne se rend pas compte, quand on n'est pas en Italie, à quel point le phénomène mafieux, les Italiens ont les yeux rivés dessus en permanence. J'en veux pour preuve notamment une partie de votre article intitulé « L'économie mafieuse entre principes de territorialité et extraterritorialité » dans lequel vous rappelez un article qui est paru dans un journal de Naples le 27 juin 2005 et qui est appelé « Chronique de Naples » mais vous donnerez le nom bien plus correctement que moi en italien et qui publie donc un règlement visant à mettre un terme à la guerre de Camorra entre les Dilaoro et les sécessionnistes du moment appelés les Espagnols. Réponse en deux temps, à la fois sur l'importance du phénomène relayé, j'allais presque dire en permanence par les médias, et par ailleurs ce point précis peut-être de guerre entre la Camorra et la manière dont l'article en fait écho. Oui, ce qu'on perçoit effectivement mal de l'étranger, c'est que la mafia, parce qu'elle est insérée dans la société, parce qu'elle est présente dans le légal, autant que dans l'illégal, c'est une criminalité du quotidien. C'est-à-dire que dans les journaux italiens, notamment je suis beaucoup ce que fait La Repubblica, quasiment tous les jours, il y a un article sur la mafia. Alors ça peut être des petites choses, mais c'est quand même révélateur que quasiment tous les jours, il y ait un fait de mafia qui existe. Donc tous les qui discours... Qui n'est pas forcément un fait criminel. Non. Ça peut être une enquête, ça peut être un buste de Falcone qui a été mutilé. Donc plein de choses. Ou une enquête sur dans les écoles napolitaines où on dit que Saviano a diffamé Naples. Donc, mais c'est en permanence qu'on a ces affaires-là. Donc tout le discours sur la mafia n'existe plus, ça y est, on l'a battu parce que les grands chefs sont morts ou qu'il y a eu des arrestations de haut niveau, ce n'est pas la réalité de la présence mafieuse en Italie, ça c'est certain. Alors cet article paru en 2005, il y avait litige donc entre les familles. Oui, alors autour du trafic de drogue. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la mafia qui tue le plus depuis quelques années, c'est la mafia napolitaine. Vous avez énormément de règlements de compte. Donc pour certains, c'est même une quasi-guerre civile qui règne à Naples, avec là aussi très régulièrement des assassinats ou des coups de feu qui sont tirés, des blessés, y compris des victimes collatérales. Ça aussi, ça apparaît régulièrement dans la presse italienne. Ça s'explique, pardon de vous interrompre, par les enjeux économiques ou autrement? Alors la drogue a apporté beaucoup de violence, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de profits, donc beaucoup de francs-tireurs. Là justement on parle de sécessionnistes, c'est-à-dire que certains... Les Espagnols. Voilà, ouais. Qui s'approvisionnent et vont aussi beaucoup distribuer en Espagne et qui veulent prendre plus de pouvoir parce qu'ils sont attirés par l'argent. Il y a aussi parce qu'à Naples, c'est la mafia la moins structurée d'une certaine façon. C'est aussi la plus... malléable, celle qui s'adapte le plus. C'est-à-dire que autant il y a un peu de secret dans la mafia sicilienne, autant la napolitaine est plus visible, elle est présente surtout, dès qu'il y a une opportunité de s'infiltrer dans un trafic, elle le fait. Donc elle est très novatrice, mais aussi très instable. Donc il y avait eu une tentative d'unification dans les années 80, mais qui n'a pas fonctionné. D'unification. D'unification de la mafia napolitaine. Un chef mafieux qui voulait justement créer un peu plus d'ordre dans les troupes napolitaines, et ça a été un échec. Les raisons de l'échec? Parce que... Il voulait se mettre au-dessus de tout, voilà, le monde. Voilà, créer. Puis, ouais. Donc déjà, il y a d'autres familles qui étaient absolument contre cette tentative un peu de centraliser les choses, et ça a fini en affrontement. Et là aussi, ça attire les forces de l'ordre, la répression. Donc finalement, on reste sur une structure assez éclatée, mais qui sait s'entendre pour les grosses affaires. Donc ça reste. Et donc beaucoup de conflits, beaucoup de guerres de clans, de sécession, et des quartiers, encore une fois, complètement contrôlés. Quand il y a des arrestations à Naples, la population descend des immeubles, hurle, crie pour bloquer un peu les forces de l'ordre. C'est un soutien, une légitimité sociale qui est accordée aux chefs mafieux, encore une fois dans des quartiers très défavorisés. C'est-à-dire que le mafieux, c'est quand même celui qui apporte des ressources, parfois légales via le BTP, parfois illégales via la drogue. Ça emploie beaucoup de monde, donc ça crée aussi une légitimité. Nous rencontrons Giuseppe, un dealer de cocaïne. Cette dose-là, on la vend ici à 30 euros. Avant de vendre la drogue, il doit s'assurer de la qualité de la marchandise. Lui aussi travaille en famille. Vous voyez là, la coke, elle commence à monter. On voit déjà que c'est de la bonne qualité. Là, j'ai fait de manière artisanale, mais le frère de ma mère, qui a 65 ans et qui est retraité, il me sert de chimiste. Un test pareil, il le fait en une minute. Chaque kilo, ça fait 3000 doses. Ça peut arriver que toute une famille soit impliquée dans le trafic. Les femmes, elles préparent les doses et le garçon, il les vend. De cette manière, c'est comme ça que je gagne 15 000 euros par mois à peu près. On parlait de la presse, on peut dire que... La mafia lie également la presse. Francesco Forgione nous disait au micro d'Histoire Vivante, aussi quelques années, un magistrat, que à la suite d'écoutes téléphoniques, ils avaient pu repérer notamment un appel où l'un disait à l'autre, sous-entendu mafieux, tu pars à Berlin, ceci au moment de la chute du mur, et tu achètes. L'autre interrogeant, mais j'achète quoi? Et le premier répondant, tu achètes tout. Autrement dit, quand le mur tombe, quand l'Europe se construit à Bruxelles, ou que sais-je, quand il y a du mouvement lié à l'histoire et à la politique, la mafia peut ne pas être absente du lieu? Bien sûr, bien sûr. Il y a un côté archaïque parce que la mafia, c'est aussi le parrain, etc. La famille, on a l'impression que c'est un peu... Ça, c'est le cinéma qui a entretenu le... Oui, et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, hein. Corleone, il y a des... Puis les chefs mafieux, c'est pas... ils n'ont pas fait Harvard non plus. Mais il y a aussi une capacité à profiter de la mondialisation, des opportunités ouvertes par ça. Moindre contrôle aux frontières, bah, c'est très intéressant aussi pour les marchandises illégales. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est vrai aussi que quand on entre dans le trafic de drogue, il va falloir commercer sur grande échelle. Et ça veut dire aussi s'implanter dans toute l'Europe pour distribuer soi-même la drogue, plutôt que de passer par des intermédiaires. In the dark heart of Sicily, near the mafia stronghold of Corleone, new muscle works the land. Suleiman est payé 3,50€ de l'heure. Parmi eux, des milliers sont employés, ou plutôt exploités, clandestinement par des organisations. Et ici, l'exploitation de ces migrants est devenue un modèle économique. 68 membres de la Drangheta, la mafia calabraise, ont été arrêtés. Tu travailles sans contrat, tu n'as pas les papiers. And the black acts of mafia continue to have a steady supply of vulnerable people they can exploit. Ce centre d'accueil et l'organisation qui le gérait était le distributeur de billets de la mafia. Arrêtées en Italie, elles sont suspectées d'avoir recruter des migrants dans des centres d'accueil pour les faire travailler sur des exploitations agricoles. Ils coûtent aux exploitants agricoles deux fois moins cher qu'un Italien à conditions égales. Des fonds de surcroît en partie détournés au détriment des demandeurs d'asile. Des intermédiaires qui prélèvent près de 20% de leur salaire. Ce sont eux qui les conduisent dans les champs. Dans le domaine des activités nouvelles, est-ce que la question des migrants a fait bouger les choses ou a amené tout au moins la mafia à intervenir au-delà des réseaux de passeurs, et si oui, de quelle manière ? Alors, les migrants, ils sont exploités en grande partie par les mafias, notamment napolitaines et siciliennes, parce que les sans-papiers, c'est de la main-d'œuvre pas chère, exploitable et qui n'ira pas se plaindre aux forces de police s'ils sont racketés. Donc, ils sont pris comme externes, hein, jamais inclus définitivement non, dans le mouvement. Non, alors, par contre, du côté de Naples, on considère qu'une partie du commerce de drogue a été déléguée, notamment aux Nigériens. Ce sont eux qui vont distribuer la drogue sous contrôle des Napolitains. Donc il peut y avoir aussi des accords de ce type-là. Parce qu'il vaut mieux que ce soit les autres qui se fassent prendre ? Éventuellement, et puis parce que peut-être c'est très dangereux et qu'on préfère que ce soit d'autres qui se fassent abattre. Voire aussi, là aussi, une question de légitimité sociale. De dire que c'est les étrangers qui vendent la drogue plutôt que le bon Napolitain qui vit un peu sur le mythe de Robin des Bois, c'est pas de la criminalité standard, c'est on redistribue aux pauvres en prenant aux riches. Mais il y a aussi cette légende, puisque quand la mafia s'est lancée dans le trafic de drogue, certains mafieux n'étaient pas trop pour, en disant on va quand même acheminer une marchandise qui apporte la drogue sur notre territoire, ça peut nous remettre en question. Ce que vous dites là, Clotilde Champérache, c'est avancer la proposition que, et c'est tout le problème en utilisant un seul mot, la mafia, c'est qu'il y a une polysémie derrière ce mot phénoménal. Alors, polysémie, et il y a surtout une instrumentalisation par la mafia de la représentation. Et c'est pour ça que je disais, dans toute mafia, il y a des mythes qui se créent. Donc c'est une société de masques. Oui, oui. À la fois visible, à la fois invisible, qui se crée des mythes évidemment positifs. Et parfois même les mafieux eux-mêmes sont imprégnés de ces mythes. Borsellino raconte que quand il était petit, il allait à l'école avec des enfants de mafieux et que le magistrat assassiné. Et il disait, moi quand j'étais petit, j'étais envieux des petits camarades qui étaient en lien avec la mafia. Et que finalement il a choisi l'autre bord, mais que basculer c'était pas impossible. Quand on vit dans ce genre de société, quand on voit que ceux qui sont respectés, ce sont les mafieux, bah, y a une ambivalence qui se crée, d'où les rapports à la légalité sur ces territoires-là aussi. Demain, la suite de cet entretien auprès de l'économiste Clotilde Champérache pour poursuivre cette thématique consacrée à la mafia.